La sang est satin. Il courage, la science et la tine de la sang se travaillent. Mais antérieur à ça est à pesar du mal de tête que se peut assumir. Senace. La culture, l'éducation, le connaissement, l'expérience se transpire. Il pouvoir se doit bifurquer avec sa main en sa main. Avec sa contrepèse, comme elle cesse. Sur le marché, sur l'économie, les palavres clés, c'est l'inversion. Avec objectif clair, et qu'au connaissement de cause. Il chemin est large. Et ses doigts marchent. Ses doigts marchent, pas à pas. Les années déterminées. Les profondeurs de sa sapience. Que se finit la fac, se prétend l'expérience. Mais que ça marche en la vie, se prétend un réditu. En la vie se tropiece avec les préquiers et se doit évoluer con tout lo que vous avez. La précarité la peut subsaner avec l'éducation, avec le connaissement. Et pas oublier qu'il courage, l'essence et la de sang, senas, les cavaliers, messique.